Génération, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Tunisiano. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est parti, nouvelle semaine avec Tunisiano. Comment ça va, gars? Marqué à vie qui est sorti aujourd'hui. Bah écoute, ouais, ça y est, il est dans les bacs, enfin il est sorti. Après tout ce temps, tout ce labeur, toute cette énergie passant en studio et tant à écrire des textes. Donc je suis très content, je suis à la fois stressé. Tu l'as en main, là, je dis ça pour ceux qui nous écoutent juste à la radio, qui ne voient pas les images sur skyrock.fm, tu l'as en main ton album. Exactement, donc il est là, pour ceux qui guettent, elle est là la galette. Sur skyrock.fm, elle est faire un tour. C'est une édition collector celle-ci, non? Ou c'est Non, c'est le CD, frérot. Ça veut dire qu'il est là, il y a 18 tracks à l'intérieur. Parce que moi j'ai une vraie édition collector, tiens, Fab, montre-la, tu vois, c'est celle-ci. Ah non, ça c'est le Watermarket, gros, c'est pour les gens de la presse. Ça c'est la Supra Collector édition, quoi. T'as un intime, ouais, c'est pour ça. T'as vu le truc de dingue ou pas? Ah non, ça c'est le CD d'Ef. Avec un petit livret, avec des photos Gosbo, tout ça. Non, franchement, je suis très content. Bon, est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es content? Est-ce que t'es détendu depuis ce matin? Franchement, je sais qu'on a fait un pur album. Je suis très fier de nous. Par rapport, quand je dis nous, c'est je parle de l'équipe, des compositeurs, de tous les gens qui m'accompagnent. Il y a un membre qui est là. Voilà, il y a Teuf, il y a Mercus, il y a tout le monde. Et par rapport à ça, je parle même de la maison de disque, je parle de tout le monde, quoi. Ça veut dire que je sais qu'on a fait un vrai travail et j'en suis plus que fier. C'est mon meilleur album, hein. Bon, après, à côté de ça, j'en ai sorti qu'un avant. Ça, donc avec le regard des gens. Bon, pour vous comparer, c'est assez facile. Mais ouais, j'en suis très très fier. Donc, meilleur album solo de Tunisiano. Exactement. Il est dans les bacs depuis ce matin. Dites-nous d'ailleurs si vous voulez récupérer les morceaux préférés, vous les balancez au 41759. C'est ça. Avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Je le disais, il y a Tofa qui est là qu'on peut saluer, qui a quitté Touche pas à mon poste pour venir te soutenir. Donc, ça, je peux te dire que c'est vite résumé. Hein. Je suis en clash avec Hanouna. Avec Ça va, Tofa? Ouais, ça va bien. Il a bien bossé Tunisiano et tu le connais en même temps, donc. Ouais, bah. Mais est-ce qu'il arrive encore à te surprendre? Ouais. Là, c'est en plus, il a fait des vraies prises de danger dans l'album. Et puis comme quoi, par exemple? Ben, JVCD, par exemple, c'est une vraie prise de danger. Il s'est frotté au flow moderne, aux nouvelles prod. C'est vrai. Ouais. Les nouvelles sonorités. Ouais, les nouvelles sonorités. Et puis, je trouve même globalement dans les thèmes qu'il a abordés, là où il a été, il s'est mis en danger. Mais c'est ce qu'on veut, de toute façon, aujourd'hui. C'est dans le rap français, ça manque de ce genre de choses, ça manque de virulence, de prise de position, de vraies affirmations. Et puis c'est important, tu vois, je dirais. Et bon, on va le découvrir, cet album qui est sorti aujourd'hui. Tu feras du live aussi? Ouais, en plus, là aujourd'hui, là je suis pas venu tout seul, je suis venu avec monsieur Doku, l'enfant du peuple, le MC de Rouen qui a chanté, qui fait le refrain pour Marqué à vie. Donc voilà, il est parmi nous ce soir. Là, on va faire découvrir son univers, le monsieur. Et puis ouais, on va pourquoi pas se faire le morceau Marqué à vie en live tout à l'heure, ça serait pas mal. Allez, coup d'envoi, on débute avec quel morceau, Tunisiano? Là, ce soir, c'est une exclue. Et en plus de ça, vu qu'il y a le clip qui arrive là dans la foulée, on l'a prévu pour 20h précises, donc on va essayer d'être synchro. Ce qu'on a prévu, c'est je vais vous balancer le morceau Mout, qui veut dire c'est mort en rebeu. Et puis grosse prod de Cory, un morceau coup de cœur que j'ai sur l'album. D'ailleurs, j'ai quasiment que des coups de cœur, hein, pour être cool. Et donc voilà, je vais vous le faire écouter. Gros son, gros grosse prod, et je vous laisse juger. Allez, on le balance maintenant sur Skyrock. Toutes vos réactions à l'album de Tunisiano 41759 avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. C'est Mout. C'est ça, gras. Avec que dalle, j'ai un empire à ériger. On n'est pas tous nés sous l'étoile des privilégiés. Considérés comme du bétail, placés dans des cités dortoirs. Veille, pris pour des cobayes, des souris de laboratoire. Oui, ils nous guettent à la loupe, disent qu'on est bon qu'à fondre. Et ils attendent le scoop pour mieux pouvoir nous descendre. L'âge de l'info à notre insu, ils se sont crus aux ors. Et toutes ces langues de font de la pute qu'ascension. Te parler d'autre chose, mais y'a rien qui m'attiste. On a toujours été pauvres, donc on connaît pas la crise. Venu pour plaider ma cause, j'ai la fausse qui traumatise. Tous ces clébards qui m'arrosent sont les mêmes qui me font la bise. Bitches! Frérot, j'vois que des mecs paros, des toxicos, des malades. Des gros autos, des beaux restos, des gros lolos pour madame. Les alcoolos du comico en monde et on se pavane. Des fans de flow, mec, tout est faux. Ici, on c'est pas la pour le rallye, on se saigne. Tout niquer, tout brûler, tout ce que nos petits frères apprennent. Que tout le monde se couche dans le mal, personne nous freine. Jeta nous emmène, c'est dans le mauvais qu'on s'entraîne. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. les pattes miniques. Réfléchis pas, faut s'taper, s'échapper. Mon look kick, négocie pas, t'es fâché. Et méché, arrêtez, donc nous ficha, c'est péché. Une féfé juste pour fumer une chicha. Rien à foutre, là les fous, vole au-dessus d'un lit de ch'tab. Et crache les sous, prends des coups, mais quitte à l'intention de barber. Tout est mout, les jaloux passent à table pour te plomber. Sur Paname, j'ai vu le diable en talon haut, le cul bombé. Fuck les gens, on est ceux que tes parents déconseillent. Oui, on est différents, alors que vous êtes tous pareils. Fuck si on dérange, c'est tellement de mélange. On est composé, on n'est pas des anges, mais faut qu'on mange. Ray, la banlieue vient causer. Frérot, je vois que des mecs parents, des toxicos, des malades, des gros autos, des beaux restos, des gros lolos pour madame. Les alcoolos du comico en monde et on se pavane. Des femmes de flow, mec, tout est faux. Ici, on c'est pas la mou. Pour le réaliser, on se saigne. Tout niquer, tout brûler, tout ce que nos petits frères apprennent. Que tout le monde se couche dans le mal, personne nous freine. Chez ta nous emmène, c'est dans le monde et qu'on s'entraîne. Enfoiré, c'est mou. On a tendance à se brader. Tellement qu'on trime la poisson prime, on est amené à craquer. On nous comprime et ce qu'on exprime n'est que violence à calquer. Quand l'oppresseur pousse vers le crime et la victime à braquer, je reviens remettre une couche, fermer des bouches en quelques rimes. Daniel Lalouche, j'ai mon entrée sur le ring. Trop longtemps mis sur la touche, nous-mêmes on s'est mécra. Dis-moi avec qui tu traînes, je dirais qui te la mettra. Enfoiré, c'est mou. Pour le rallye, on se saigne. Tout niquer, tout brûler, tout ce que nos petits frères. Que tout le monde se couche dans le mal, personne nous freine. Chez ta nous emmène, c'est dans le monde et qu'on s'entraîne. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. Enfoiré, c'est mou, mou, mou. Mout à l'instant, c'est extrait de l'album Marcavi, l'album de Tunisiano qui est en vente depuis ce matin. Exactement. On peut télécharger, cinquième des ventes pour l'instant. Ah bah écoute, c'est monté, ça fait plaisir. Tout à l'heure on était sixième, donc là on est monté cinquième. Merci, merci pour la force, pour le soutien. Franchement, je suis très content. Allez-y, allez soutenir Tunisiano, ça peut monter. Bon, il y a Pharrell qui est devant, Stromae qui est devant, Indila devant. Ouais, bah écoute, c'est honorable, c'est très bien ce qui se passe. C'est très bien. Ouais, bah ouais, grave. Toi, t'es là, cinquième, donc écoute, on attend la suite pour Tunisiano. On attend la suite. Donc voilà, le gros morceau Mout, là il y a le clip qui arrive dans la foulée, donc. Là, il va être balancé sur ma page, etc. Donc, n'hésitez pas. Donc, mout, ça veut dire c'est mort. En gros, voilà, c'est une expression où on dit mout, ça veut dire laisse tomber, c'est cuit, quoi. C'est cuit, c'est mort, mout. Ouais, il y a ton invité qui est arrivé, qui est présent sur l'album voilà. Marcavi. Exactement, monsieur Doku qui est parmi nous. Donc, voilà, je vais le laisser se présenter. Hein. L'enfant du peuple, il est là. Doku, l'enfant du peuple. Pour ceux qui ne connaissent pas, big up pour tous ceux qui connaissent. Ouais, ça va bien, et toi? Tu viens de Rouen? Exactement. Mmh. Petit CV Express que tu as sorti, ce qui est sorti, ce qui va sortir. En cours, beaucoup de surprises, donc voilà, donc déjà la collaboration avec Mister Tunisian, donc voilà sur son album Marcavi. Voilà, c'est un grand honneur déjà pour commencer. Et après... il a ramené une petite exclue. De toute façon, j'aimerais bien qu'on arrive à la qu'on la puisse la jouer tout à l'heure. Là, on va la glisser. Il est en train de préparer son projet, c'est en train d'arriver. Franchement, c'est plus que sérieux. Je pense qu'on va vraiment entendre parler de lui d'ici très peu de temps. Toi, tu le connaissais depuis longtemps aussi, pareil. On s'est rencontrés en studio en fait. On s'est rencontrés, on a des amis en commun et puis après voilà, feeling, tu vois, ça s'est passé. On a sympathisé. Il m'a fait écouter quelques titres à lui et puis franchement, j'ai surkiffé. Donc après je l'ai sollicité direct. Bah en plus c'est un morceau qui est important, c'est le nom de l'album. Exactement. Sur lequel tu l'as invité. Cool, hein. Ouais. Mmh. Donc pour présenter la semaine, on commence avec Marcavi justement, c'est le titre de l'album et puis voilà, on invite le monsieur forcément. Est-ce qu'on le balance maintenant le Marcavi ou pas? Non, on va le faire en live à la fin. Ça va être en live tout à l'heure. Ok, ouais, très bien. On va le faire en live tranquille. Non, je vais faire découvrir d'autres titres. Bah vas-y. Allez, c'est parti. Quel morceau? Je vais balancer le track numéro 3, c'est Jeune de Tess. Mmh. Je vais balancer ce titre là. Je vais laisser les gens écouter et après je vous donne quelques pistes. Voilà, je donnerai quelques pistes. Je verrai comment les gens ont ont compris le titre. Et après seulement je vous donnerai plus ou moins ma définition. Bon bah on balance le morceau qui s'appelle Jeune de Thèse. Dites-nous comment d'ailleurs vous voulez capter ce morceau dès que vous l'entendrez, donc d'ici quelques secondes. Ouais. 41759, allez-y. Avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock, on balance le morceau Jeune de Thèse. Allez, c'est parti. Jeune, vétécie, futé, imbécile, indécis, cheaté, buté, agressif, gosse, de banlieue, ambitieux, pour la gagne, vicieux, normal, amoureux de la castagne, en mode terre-terre, alcool et beurre, gros chiffres, gros spliff, école, buissonnière, regard, glacé, d'un froid hivernal, ne veut que brasser, amasser et faire mal, afficher, fâcher sur l'état, et me cracher, et me tricher, se péta, niquer, se casser, masquer, c'est cicatrice, fonce des au volant, permis, factice, insolent et violent, vit dans sa matrice, se bat contre la planète, hésite entre être artiste ou revendeur de bar et d'être love, elle pisse, ça, il s'en passera, elle veut juste que ça glisse, que tu jouisses, que tu mises, lunettes de soleil sur le pif, ce soir il nique sa SNET, ARDV avec Iblis, lui, bête de big graveur, y'a de quoi faire de la luge, a les symptômes d'Alzheimer devant la juge, et adore gruger, et vendeur de shit et poudre, de trois sacs à poule pour se faire caresser la gourde. Et le boy et bad, ce qu'il sème et crade. Les joy dans le viseur, son samba à la chamade. Oui, il fait boum boum au rythme des percus, des boules, il devient serré à plus. Oui, il vit sa propre sermie et attaché au bif dont le mot taffé n'en connaît pas sa définition. Oui, il en a vendu des litres, hein, faisant partie de l'élite. Hein, baigne dans l'illicite où le chétan ne fait l'arbitre. Un petit rock à ses mini, tu lui as mis. Dans les seufs, t'as sorti le 9 milli, la vaseline et les podcasts. Rah, rah, rah, tu rixas et les gamins pour l'euro, rafale de balles dans leur maman. Et du coup, t'es rentré, t'es sorti, tu as pris de la cote, hein. T'es rentré, t'es sorti, mais où sont passés tes potes, oh, Rachel? Tu te refais, fuck ceux qui t'ont dupé, ils t'ont volé ta fierté, donc ta haine a décuplé, t'sais. Ce n'est qu'un meuble, tu peux pas freiner, un meuble qui se laisse engrainer, saoul. Animal galeux, élevé son grand frère, amène Pascal, il va lui niquer sa mère. Pour lui, les meufs ne sont qu'un bout de chair de zoo vers qui tapine. Il ne les considère hop, fait bellec à ta frangine. Et le mec est misogyne, il mettrait bien à l'affiche toutes ces putes ni soumises dans un grand spectacle échangiste. Pour lui, sa femme fait la vaisselle, fait la bouffe et balise. Fait la bouffe, ferme sa gueule ou bien il la brutalise. Perd sa vie à la gagner, calme ses nerfs à la console. Afin de ressembler à quelqu'un, il se tatoue et pousse le sol. Macho par excellence, ne sait pas se taire, traîne dans les quartiers huppés. Afin d'y faire ses affaires, un puce la ping. Sérieuse mise à l'amende, un fou rouge, un kajaking. Repart au volant d'une allemande, il marque dans sa peau, toujours en mode contestataire. Cache son opposition derrière un style vestimentaire. Pour lui, le mal est essentiel. Le problème est ethnique, viendrait de la considération portée au peuple d'Afrique. Et à des idées sombres qui va vagabond dès qu'il gobe, qui dirait comme quoi le peuple feu, je dirige le globe. Oh, homophobe, fier de l'étiquette qu'il endosse. Tous ces hommes bouffeurs de zob devraient cramer à Mykonos. Et à deux sérieux soucis, pas très dociles dans sa tête, l'intitulé d'une soirée miche, oui, où la synagogue a brûlé. Habitué à être rejeté, au lieu de lui apprendre à vivre ensemble, il ne trouve sérénité qu'auprès de ceux qui lui ressemblent. Et entretien d'embauche, son look est cramé, délit de sale tronche, ça tout au long de l'année. Il n'aime que lui et les siens, ne ménage pas pour Vricelle. Et préférer crever que voir sa sœur avec un crêle. Pour lui un soulou ou un carlouche pourrait salir son linge. Il aime les insultes et les singes. Enfant de banlieue que sa couleur a détruit, qui vit dans la peur, dans l'odeur et le bruit, et le cœur en conflit. Les idées à son prix, il ira jusqu'au bout, quitte à mourir incompris. Et tout ce qu'il accomplit n'est que violence, injure et abus, malveillance quand l'individu est barbu. Oui, il a arrêté le chant, fini de se cloîtrer dans sa chambre. Pour lui, tout a changé depuis le 11 septembre. Et depuis, et tout va mal, il les insulte de bâtard, haine viscérale envers ses hommes qui disent Allah Akbar. Il ne voit que des satanistes en pleine recrudescence, des bâtons d'explosifs qui prient dans les rues. Sa France n'est plus qu'un triste reflet immonde, pas le pays des droits de l'homme mais la poubelle du monde. Et tant de clichés, mais est-ce que ce monde est sérieux? Mais qui est vraiment ce jeune de banlieue? Ce jeune de banlieue, ce jeune de banlieue. Jeune de Tess à l'instant. Voilà. Stan Markavitch. Tiens, regarde. Donc, qui est donc ce jeune de banlieue? Ouais, regarde, j'ai un message en disant Flo Impec, rien à dire, mais c'est pas que ça, un mec de Tess, heureusement. Bah, en fait, voilà, ce morceau, c'est un morceau contre les idées reçues. Mmh. Ça veut dire qu'en gros, la violence n'a pas de couleur. Et puis voilà, ça veut dire qu'elle se prête pas qu'à une catégorie ou qu'à une catégorie de personnes. Ça veut dire que t'as pas forcément besoin de venir de Montfermeil ou d'ailleurs pour connaître tout ça. Et que la connerie universelle aussi. Voilà, exactement. Avec les pensées. Donc voilà, en fait, c'est plus un morceau par rapport aux idées reçues et tout ça. Ça veut dire que en fait, tu peux très bien être un mec d'extrême droite ou quelqu'un comme ça pour avoir ce même comportement-là et tenir des propos de la même manière. Donc voilà. C'est important, ouais, le spécifique. T'as eu des retours d'ailleurs sur Jeune de Tess ou des gens qui n'ont pas compris le morceau? Non. Comme tu nous disais avant, ouais, je vous expliquerai, je vous donnerai des clés et tout pour ce morceau. Bah, en fait, vu que je sais que j'ai des paroles très virulentes à l'intérieur, je voulais vraiment remettre ce morceau dans son contexte, qu'on s'égare pas, parce qu'après, je sais que ça peut partir dans tous les sens. Il faut pas prendre au premier degré le morceau. Si, prenez-le carrément au premier degré, mais c'est juste un morceau, en fait, contre les idées reçues, c'est juste qu'en fait, il y a tout type de violence et que la violence, en fait, elle a pas qu'une seule couleur. Ça veut dire, elle se prête pas qu'à un Renoir ou à un Rebeu de cité, elle peut très bien se prêter à un mec, je sais pas moi, qui soit d'extrême, qui soit chinois ou autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, en cité, parfois, il y a des tas de personnes qui agissent de manière violente, etc. Et c'est pas forcément que des rebeux ou. Voilà. C'est clair. C'est important de le préciser. L'album s'appelle Markavi. Il est sorti depuis aujourd'hui. Cet album, tu t'y es mis quand, en fait, Tunisiano? Quand est-ce que tu t'es dit, allez, c'est bon, j'y retourne? Bah, il y a juste après À Toute Épreuve. J'ai enchaîné directement après la tournée. Je commençais déjà à enregistrer des titres. Après, j'ai dû lever le pied par rapport à diverses situations. Mais bon, après, c'était quoi? J'ai d'ordre privé, je dirais. Ça veut dire, je me suis marié, j'ai eu la naissance de ma fille, ce genre de choses. Bah, puis, magnifique. Bah ouais, très, très très magnifique même, je dirais. C'est beau? Non, c'est parfait même. Mais après, bon, voilà pourquoi j'ai dû lever les pieds et j'ai dû arrêter l'enregistrement. Donc en tout, ça m'a mis deux bonnes années pour faire ce titre. Pour faire cet album, pardon. Faire l'album, et ouais. Puis j'en suis très fier et aujourd'hui, je viens le défendre. T'as bossé avec qui alors? Donc on disait, il y a Teufa qui est là. Ouais, il y a Teuf qui est là. En fait, c'est l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, il me conseille, il me donne des idées, ainsi que Mercus. Ça veut dire qu'en fait, le noyau dur, c'est vraiment nous trois. On est là, on bosse, on essaye de ça va, on a un peu d'expérience par rapport à la musique, donc ça va, on sait où on met les pieds, on sait ce qu'on fait. Ça fait plusieurs albums qu'on fait ensemble. Des Snipers. Bon, moi j'avais pas travaillé sur le premier solo, mais on a une histoire commune très longue en vrai avec Sniper et Tunisiano. Donc maintenant on a développé des mécanismes en studio, on arrive vraiment bien à se parler. Et je pense qu'on le pousse vers le haut, hein, comme on fait avec la plupart des artistes. Mais c'est sûr que quand t'as une vraie entente avec l'artiste, c'est beaucoup plus simple quand t'as des mécanismes et que qu'on peut se parler, on dire ouais ton couplet il est nul et tout ça, tu peux pas le faire avec un mec que tu viens de connaître. Ouais. Donc souvent on a des un peu plus de retenue. Exactement. Mais là, par contre, Tunisiano, il t'a dit, ouais, souvent, putain, dans ce morceau, c'est de la merde. C'est arrivé. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai fait des ratés. Mais bon, après, on est en studio justement pour ça. Tu vois, j'ai fait un tas de titres. Là, on en a sélectionné. Il y en a 18 dans l'album. Mais bon, je peux t'assurer que j'en ai fait un paquet, tu vois. Bon, il y en a. Après, il y en a d'autres dont je me servirai ou que j'ai pas fini. Mais j'essaye toujours et encore, quoi. Et c'est important, justement, d'avoir le rôle de Teufa quand vous êtes en studio et tout, qui est le réalisateur qui met un petit peu en... Ouais, c'est essentiel en fait, parce que moi, tu vois, comme je gratte, j'ai la tête dans le guidon, parfois je fais pas forcément attention, j'ai pas assez de recul sur les titres, et le fait d'avoir leur avis, parfois on va me dire, bon bah là-dessus non, t'as mal abordé la thématique, tu devrais plus essayer ce genre de choses, et parfois moi je visualise pas tout de suite la chose comme il faut, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Par exemple, sur mon premier album solo, j'ai pas eu tout ce recul là, j'ai pas eu Stedl, et puis c'est vrai que après à réécouter, j'étais un peu deg sur certaines choses. C'est vrai que dans le rap, Teufa, ça existe beaucoup dans la variété, tout ça, où t'as ce qu'on appelle un réalisateur ou quelqu'un qui est là autour de l'album. Mais dans le rap, c'est quand même assez rare. Ça existe un petit peu, mais de plus en plus maintenant. De plus en plus, parce que les mecs, ils ont compris qu'à un moment, tu peux pas tout faire dans un album. Je veux dire, le mec, il peut pas savoir s'il fait des bons couplets, si le refrain il est bien. À un moment, il faut l'alléger. Et d'ailleurs, on a travaillé. D'ailleurs, moi, je voudrais big up tous les gens qui ont travaillé avec nous, genre Cory, Sirius, parce que c'est des mecs qui étaient là tout le temps, qui ont c'est fait des mecs qui font les sons, hein. Ouais, les sons qui dirigent aussi, parce qu'il y a des moments où moi j'étais pas là parce que je travaille sur beaucoup de trucs, et c'est vrai que là j'ai une vraie bonne équipe avec qui on taffe. Et c'est hyper agréable, bah, parce que tu vois, comme je te disais, autant qu'on a des mécanismes, autant trouver des mecs, que ça soit les ingé son, que ce soit les producteurs, des mecs qui soient assez concis, qui soient rapides, qui peuvent comprendre et mettre en musique ce qu'on cherche et ce dont on a besoin, c'est de plus en plus rare. Et moi, j'ai la chance d'avoir une vraie super équipe. Voilà. Bon, eh ben, très bien, on écoutera d'autres titres tout à l'heure, Tunisien. Ouais, il y a le morceau sûr. Avec Doku que vous allez faire en live. Il y a le morceau avec Doku. Il y a le morceau de Doku qu'on doit passer aussi dans un instant. Exactement. Qui s'appelle comment ton morceau, Doku? Elle est là. Elle est là? Exactement. Nouveauté? Nouveauté, c'est une exclu. Pure nouveauté, pure exclu. Pure nouveauté. Bon, ça arrive dans un instant, bougez pas sur Skyrock. Et Marc Yavi, ouais, donc Tunisiano, le morceau qu'on passe dans quelques minutes. Le morceau qu'on passe dans quelques minutes, on va s'appelle... passer. Il nous condamne. Il nous condamne. Voilà, featuring Monsieur Youssoufa. Très bien. Voilà. Et bon, on l'écoutera dans un instant, pas ne bougez galère. Pas. Sur Skyrock, vos inscriptions 41-759. Allez-y, vous nous appelez aussi au 0826-826-759. On balance le son de Joule dans ma paranoïa et on met la pub juste après. Big up à monsieur Aketo qui nous écoute. 20h-21h sur Skyrock. Comme toi, comme toi. Tunisiano a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Avec Tunisiano, notre invité cette semaine, entre 20 et 21, l'album Marqué à vie est sorti aujourd'hui, ça y est. Voilà, exactement, et le hashtag c'est Tunisiano sur Skyrock. Allez-y, Tunisiano sur Skyrock pour balancer tous vos messages, le 41-759. Ce soir il y a Doku qui est là aussi, yeah. Qui t'accompagne. Le déplacement, il est venu de Rouen en gros. Bah, je suis tout rond là, je pense qu'il y a, toute la vie. Non, il y a plein de gens qui le supportent. J'ai reçu plein de messages aujourd'hui quand j'ai dit que ce soir il y avait Doku avec moi au Planet Rap. Il y a plein de gens qui le soutiennent et franchement il y a toute ta ville quoi. Et ben on peut te suivre où d'ailleurs Doku? C'est quoi sur les adresses Twitter, pour te suivre, ouais. Sur Twitter Doku officiel, sur Facebook Doku l'enfant du peuple, Instagram pareil Doku l'enfant du peuple, vous pouvez me suivre sur tous les sites sociaux, etc. Et là, dans pas longtemps, on va vous balancer une petite exclue. Donc, dans quelques minutes. Pour un morceau qui s'appelle Elle est là. Et vous allez comprendre très vite que ce morceau, il est pour tous les gens qui sont marqués à vie. Si vous pouvez tendre l'oreille, vous allez comprendre réellement le pourquoi. Mm-hmm. Pas mal. Ah, tu vas voir le mec est vraiment bourré de talent, j'adore ça. Et bon, on va le balancer dans un instant, ce morceau. Juste avant, il y a Marocco 26 de Valence. Salut Marocco. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Marocco, Tunisiano. Bah c'est la famille gros, c'est le Maghreb, voilà, on est là, c'est la France. Famille. C'est la France. Il manque un Marocco encore. Voilà gros. Après Kabiliano, il y a tout. Voilà. Dubaïsiano. C'est la France. Bon Marocco, t'es prêt à rapper? C'est l'heure du freestyle par téléphone. Ok, ça y est, je suis prêt. Allez, on balance l'instru, c'est parti. Ok. Ok, yo, fais le M, tu me reconnais. Freestyle sur Sky, on est là gros. Ici, check, yeah. Yeah. J'pars en freestyle, t'as plus le vécu, les tensions durent, la vie m'a triqué. H24 sur défensif, planté au sol, piqué, la vie s'écrase. Bourré, cherche la mic, liqué, briqué, vendre des grammes. Si ce game est pas la gamme, nique, tu vois les boys, pas de cadeau quand on s'emballe. Ça part en couille pour un 100 balles, j'ai la haine qui squatte la vèche, squatte la haine. J'ai trop les gros, j'suis carnivore, alors arrête avec tes gardes, la pêche. J'suis pas ces rappeurs qui prétendent envoyer des missiles dans la tête de Mickey, les qui se prennent pour des killers. Ma vie n'est pas facile, tout comme ça, dès que j'ai pris des kilos, j'ai pas l'habitude de rigoler. J'ai trop d'impact, appelle-moi pistolet. À ce qui paraît, la vie c'est cool. Le sport c'est cool, depuis qu'il peut on prend les coups. Donc obligé de porter ses couilles, nigga. Donc obligé de porter ses couilles, nigga. Yeah. Ok Marocco, à l'instant de Valence. Merci à toi Marocco. Ah ouais, merci à vous et gros big up à Tunisiano. Merci depuis, l'ami. Depuis longtemps. Merci frérot. En tout cas, on ensemble. En plus, tu sais quoi? Vu que ça tombe bien, je sais pas si tu fumes la chicha. En tout cas, tu sais quoi? Ce soir, on va t'offrir une chicha ou qui? Parce qu'en fait, on a ramené des petites surprises et en fait, on va en faire gagner une tous les soirs. Donc, c'est des chichas électroniques. Exactement, ah ouais, c'est des chichas électroniques. Donc, tiens, on peut les montrer gros, tout de suite. Tu nous laisses tes coordonnées au standard et comme ça, on va te balancer ça, tu vois. Ça veut dire que tu pourras chicher gentiment en grattant des textes. Sans danger. Donc, c'est... Ah ouais, merci, hein, ça fait plaisir. Y a pas de galère, frérot. C'est pour toi, si vous voulez voir d'ailleurs. À quoi ça ressemble, c'est sur skyrock.fm. Il y a la vidéo de la Ouki. Elle est pour vous dans une très jolie petite boîte. Voilà, et on va en faire gagner une chaque soir de la semaine. Ah bah voilà. Ok, bah franchement, merci, ça fait plaisir. Hein. Ah, pas de galère, fort. Il y en a une pour toi, Marocco. Ah bah merci, ça fait plaisir. Je voulais faire aussi une grosse dédicace à Mega, BDK Crew, Chris Erwan et à Billy Beats, Beatmaker. On va bientôt sortir une mixtape avec Benzo et tout. Trop lourd, ça arrive lourd. Eh bah, bon courage pour la suite, Marocco. Lourd. Merci et à toi. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook, Marocco 26. Marocco 26 pour te retrouver, ça roule. Ouais. Bon, bah, merci à vous. Hein. A plus, merci à toi, gros. Passe une bonne soirée sur Skyrock. On est avec Tunisiano qui est là, l'album marqué à vie dans les bacs depuis aujourd'hui. Exactement. Il y aura un live dans quelques minutes. D'ailleurs, on fera le nom de cet album marqué à vie. Exactement. Et on va marquer la semaine Planète Rap. Et on va marquer le rap français aussi, ça se trouve, avec le bon mal. Voilà. Ouais, j'espère bien, en tout cas. Exactement. Toi, t'es super fier de cet album, tu nous l'as dit. Ah, donc, franchement, je suis ultra fier. C'est mon meilleur album. Donc, franchement, je sais que j'ai des titres, j'ai vraiment pas à rougir. Il y a 18 tracks, mais je sais qu'ils se tiennent tous. Et franchement, c'est vraiment du high level. Donc, franchement, sans prétention, sans rien, écoutez l'album et vous verrez. Bon, on est promis le Il nous condamne dans un instant. Exactement, featuring Monsieur Youssoufa. Est-ce qu'on le met maintenant ou est-ce qu'on met le morceau de Doku? Comme tu veux, c'est toi qui choisis Tunisiano, c'est ton Planète Rap. Non, vas-y, on va faire découvrir l'enfant du peuple d'abord. Je préfère faire découvrir Doku. Donc c'est un morceau qui s'appelle Elle est là. Exactement. Pour tous les marqués à vie, pour tous les gens qui ont des situations ou des vies complètement atypiques. C'est vraiment ça, parce que dans cette musique-là, il y a trois histoires. Voilà, c'est forcément des gens qui sont marqués à vie. Et elle sort quand on peut pas la trouver pour l'instant, c'est exclu. Pour l'instant, on peut pas la trouver, c'est une totale exclue. Donc voilà. Ça sortira avec son album. Avec l'album courant 2014. Exactement. Inch'Allah. Allez, coup d'envoi maintenant de ce morceau avec Doku. Elle est là. Écoutez ça. Écoutez. De soleil, mais j'ai pas de coqueur. Dehors, la vie est en couleur, pourtant je vis dans le noir. Les yeux de mon labrador comme échappatoire. Mais moi, je suis bloqué par celle qui m'empêche de voir. Elle est là, à mes côtés. Elle et moi, nous sommes liés dans l'obscurité. Elle vit avec moi, elle veut pas me lâcher. Par la réalité, je me sens aveuglé. Elle est là, juste devant tes yeux, mais tu la vois pas. Je m'efforce de la cacher, mais elle est là. Chaque jour, elle prend de l'ampleur, elle gagne sur moi. Oui, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Juste devant tes yeux, mais tu la vois pas. Je m'efforce de la cacher, mais elle est là. Chaque jour elle prend l'ampleur, elle gagne sur moi. Oui, elle est là, elle vit. jour et nuit hospitalisé. Ma famille me rend visite, le sourire s'allège. J'donne l'impression d'être fort pour les rassurer. Mais moi je suis bloqué par celle qu'on ne peut soigner. Elle est là, à mes côtés. Elle s'endort avec moi sans même me porter. Se réveille avec moi, mais je peux pas me lever. Par la réalité, je me sens enchaîné. Elle est là, elle est là. Juste devant tes yeux, mais tu la vois pas. Mes forces de la cacher, mais elle est là. Chaque jour, elle prend de l'ampleur, elle gagne sur moi. Oui, elle est là. Marqué à vie de cool enfant du peuple. Un gros big up à Stani. T'es magnifique, Jenny. Le monsieur, c'est Doku. Doku, avec Elle est là à l'instant pour le Planet Rap. Donc le morceau qui sortira court en 2014 sur l'album. Hein. Exactement. Gros merci, merci Doku. Les messages qui arrivent. Hein. Lourd ce titre, Doku. Vivement mes vérités 2. Ah c'est cool, tu vois, il y a des supporters, il y a des gens qui connaissent vraiment ma traçabilité dans le sens où mes vérités, à la base, mes vérités, c'est une première mixtape, c'est un premier, le premier projet que j'ai pu faire. Donc voilà, complètement street, mais je vois qu'il y a des gens qui connaissent la traçabilité et ça fait plaisir. Et là, ce sera un album, hein, plutôt 2014. Exactement. Bon, bah, on aura l'occasion d'en reparler. T'es venu avec Tunisiano, vous allez faire le live dans quelques minutes. Exactement. De Marqué à vie. On va faire le live et puis ce titre, il porte le nom de l'album. Donc voilà, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur. Par rapport à différentes choses. Et puis c'est très important pour moi de le faire pour la première soirée de la pour la première soirée de la semaine. Donc voilà. Bon, tu le disais tout à l'heure, l'album il a fallu 2 ans pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a eu des pauses entre temps, voilà, et la vie. Il y a eu des pauses, il y a eu des péripéties, il y a eu pas mal de galères aussi. Donc après voilà quoi, suite logique. De toute façon, nous, toute notre carrière, hein, que ce soit avec Sniper ou en solo, on a toujours eu des bonnes petites histoires, ouais. Ouais, mais bon après voilà quoi, c'est justement pour ça aussi que je suis marqué à vie aujourd'hui. Marqué à vie, on découvrira un autre morceau dans un instant. Il nous condamne, mais pour revenir justement à cet album et sur ces deux dernières années, sur le boulot qui a été fait, est-ce qu'il t'a paru plus simple à faire, mine de rien, cet album, au niveau de l'écriture, hormis ce que tu nous disais, hein, sur les 2 ans, il a fallu s'arrêter et tout, mais est-ce que toi, voilà, en termes, maintenant, tout ce que t'as acquis sur ces 10-15 dernières années dans le rap, est-ce que ça t'a servi pour marquer à vie ou t'es reparti un peu de zéro, en fait? Je peux dire que je suis un peu reparti de zéro, mais là où ça a été beaucoup plus simple pour moi de travailler, c'est surtout quand t'as une équipe, quand tu te sens bien épaulé, quand tu te sens armé du coup, et tu sais où tu vas et tu travailles beaucoup plus sereinement. Alors que lors de mon premier album, même si j'ai écrit moins de titres, même si le fait de pas être forcément bien psychologiquement ou autre chose, ça joue beaucoup pour l'artistique. Ça veut dire que ça te freine parfois ou ça t'empêche de faire les bons choix. Et puis là je dirais que à l'inverse, ça veut dire le fait d'être bien, le fait de te sentir fort et armé, équipé, du coup en fait, même si j'ai écrit beaucoup plus de titres et que ça a été beaucoup plus long, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et du coup ça se ressent sur les titres et même en termes de qualité sonore, je trouve qu'il a un level au-dessus que le premier. Bon, il est rempli l'album, hein. Il y a 17 morceaux dessus. Et il y a un bonus track, c'est maintenant featuring Aketo, donc en fait il y en a 18 sur la version CD quoi. Version CD. La version physique. Donc version CD c'est physique, sinon on peut précommander et télécharger légalement. Voilà. Maintenant, allez-y. Allez-y, hein, foncez. Hein, pour récupérer l'album marqué à vie. D'ailleurs, on peut saluer, tu disais Aketo, on salue Aketo évidemment. Ouais, de toute façon, je salue toute l'équipe, hein. Je salue Aketo qui m'écoute, là, je sais qu'il est en Suisse. Chris, mais il va venir dans le courant de la semaine. Il va venir nous donner de la force et faire un petit big up. Parce que pour moi, c'était pas concevable de faire une petite semaine sans mon acolyte. Big up à Nico qui nous écoute, à Cory, Stan qui ont fait les prods aussi. Big up à VALD qui est là, qui a fait le déplacement et que lui aussi il apparaît dans l'album. Mais je vous le ferai découvrir dans la semaine. Il y a Scalp qui a bossé aussi avec toi. Il y a Scalp. Il y a Will Star qui a fait une prod aussi. Non, mais je tiens à remercier tout le monde parce que franchement, cet album c'est le vôtre. Hein. Maintenant, je sais que j'ai mis du mien. Maintenant, voilà quoi. Il est dans les bacs et ça vous de faire le reste. Avant de passer au live avec Doku dans un instant, on met le morceau avec Youssoupha. Exactement. Il nous condamne. Morceau Il nous condamne, featuring Monsieur Youssoupha, donc artiste que j'apprécie. Mmh. On se connaît depuis pas mal de temps, donc big up à lui. Je sais que là en ce moment il est à New York. Je sais pas s'il nous écoute. Enfin, je pense pas. Pas mal. Ouais, et puis on va voir. Je sais pas s'il sera là pendant la semaine, mais bon, en tout cas, voilà, je le big up. Et bon, on écoute le morceau maintenant. Il nous condamne, c'est extrait de l'album Marqué à vie de Tunisiano. Yeah. Il nous condamne, nous blâme. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Pour se faire entendre, faut qu'on. Ils nous racontent que du flan, pour ça ils ont du savoir-faire. Ils sont habiles à l'écran et manient la langue de Molière. Ils ont établi leur plan et aiment nous jeter la pierre. Politique intolérant qui dans le fond se soucie guère. Et des vrais soucis qu'ont les frères, des ORSA ou smicards. Vu qu'on galère au point de vue monétaire, on s'en passe les barres. On part avec un handicap et du coup on résiste. Vu qu'on n'est pas tous égaux dès le départ. Que de la bouche font semblant d'être touchés par les problèmes des gens. Mais c'est là-dedans qu'ils aiment se moucher. Ils prétendent marcher droit, reprennent les lois dès le pénis. Ils manient la langue de bois à en devenir et bénissent. François gouverne la France, les démunis sont à la chaîne. Parle de relance et la croissance alors qu'il a loupé la sienne. Que dire des politiques et leurs combines mafieux, ce n'est que de la rhétorique creuse. Ils nous condamnent, nous blâment. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Pour se faire entendre, faut qu'on se batte. Oui, ils nous condamnent, nous blâment. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Ok, sans mentir, je suis déjà prisonnier dans un putain de schéma cop. Quelques racos, camaco pour augmenter ma cote. J'ai vu leur grâce comme ils nous crament, j'ai crié oh my god. Et si j'en parle, ils diront grave que je suis démagogue. Ça peut vous offenser. Avant d'être un français moyen, faudrait déjà qu'on me donne le moyen d'être un français. Qui parle de zéro risque? Les chiffres disent j'ai plus de chances d'être tué par un flic que par un terroriste. Les balles se perdent, mes braves coopèrent, mon rap s'opère, mes blagues trop de peine et ceux de depuis l'enfance, les bracos prennent, les bastos traînent, les blacos craignent, leurs blagues obscènes, leur légitime défense. Des armes se perdent, le crack opère, les accros prennent, les narcos traînent et leur business avance. Les fachos plaisent, leurs salles sont pleines, leurs voix soutiennent, que Sarko revienne pour libérer la France. Un code barre anonyme, c'est ce que les gens méritent. Je pleure la mort de Trayvon Martin et de Clément Méric. J'ai l'impression de chanter ça depuis le commencement, mais c'est le même problème. Et c'est un commencement. Toute l'équipe, vous m'avez musique. Yeah, mon gros. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Pour se faire entendre, faut qu'on stoppe. Oui, ils nous condamnent, nous blâment. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Pour se faire entendre, faut qu'on stoppe. Condamne, nous blâme, société en panne. Pour se faire entendre, faut qu'on s'arme. Ils nous condamnent, nous blâme, société en panne. Pour se faire entendre, faut qu'on s'arme. Ils nous condamnent, nous blâme, société en panne. Pour se faire entendre, faut qu'on s'arme. Ils nous condamnent, nous blâme, société en panne. Pour se faire entendre, faut qu'on s'arme. Si je parlais de nos peines, pas de justice, pas de paix, ils me diront que c'est des magots. Oh. Je parle de tout ce qu'on a souffert, mais de tout ce qu'on a su faire, ils me diront que c'est des magots. Hey. Si je parlais de nos peines, pas de justice, pas de paix, ils me diront que c'est des magots. Oh. Si je parle de tout ce qu'on a souffert, mais de tout ce qu'on a su faire, ils me diront que c'est des magots. Hey. Ils nous condamnent, nous blâment. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Pour se faire entendre, faut qu'on stoppe. Oui, ils nous condamnent. Votre jeunesse est le triste constat d'une société en panne aux armes. Pour se faire entendre, faut qu'on stoppe. C'est des magots, c'est des magots, C'est des magos. C'est des magos. C'est des magos. C'est des magos. Marqué à vie, l'album il est dans les bacs. Va le pécho gros. On est là. Yeah, on fait parler le talent. Dave Laroba, Bajo, Man 5 représentant. Si. Le morceau avec Youssoupha, il s'appelle Il nous condamne, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Exactement. Sur Skyrock, c'est extrait de Marc Avi, l'album de Tunisiano qui est sorti aujourd'hui. Voilà, il est dans les bacs, gros. Ça y est, il est dans les bacs. Il est même en live maintenant, puisque vous allez nous faire un morceau. Ouais, exactement. Avec Doku. On va faire ça, on va faire ça. Qui est là. On va faire ça. Donc voilà, qui s'appelle Marc Avi. Je vais juste en profiter pour, vas-y. Balancer rapidement que si vous voulez me retrouver, j'ai ma page fan Tunisiano. Il y a la page fan officielle Sniper aussi pour avoir toutes les exclus et toutes les infos. Et sur mon Twitter, c'est @tunisniper, le tout attaché. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont en mode Instagram, c'est Tunisan. Donc voilà, tu vois. Et concert aussi en 2014 chez Kenza, déjà là, le qui arrive dans 10 jours. Mec, j'avais totalement oublié, heureusement. Mais que oui. Là, je fais un concert à la Boule Noire et c'est le 20 mars. Donc voilà, je vous ferai découvrir l'album, il y aura des belles surprises aussi. Donc venez checker. Et donc puis, 20 mars, Boule Noire. Dépêchez-vous de prendre les places parce que c'est très petit la Boule Noire. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est très convivial, mais c'est très convivial et très petit, mais donc ça risque d'être blindé assez rapidement. Exactement. Pour voir Tunisiano, 20 mars à la Boule Noire en concert et puis d'autres dates dans toute la France. Ouais, ça va venir sûrement, ça va venir sûrement par la suite, tu vois. Là, en tout cas, là pour le moment, on se concentre sur cette date-là. Il va y avoir des festivals pour cet été et puis la tournée. Objection. Le 22 mai à Lausanne, au 10 clubs aussi, venez nombreux, tu vois. Rendez-vous. Ah. On a un Suisse parmi nous. Oui. Ça se trouve, il y en a peut-être d'autres, non? Il y a beaucoup d'argent. Non, il a seulement son compte en Suisse. Ah, c'est ça. C'est... Okay. Donc 22 mai à Lausanne pour aller relever les compteurs. Donc voilà, venez relever les compteurs. Mais en tout cas, là, les compteurs, si vous voulez les relever, c'est à la Fnac, c'est partout, c'est dans les bacs surtout. Donc d'ailleurs, je crois que je vais même en profiter pour aller pêcher mon album parce que c'est une tradition ce que je fais. Et ça se trouve, en sortant d'ici, je vais sûrement aller m'arrêter et faire un tour dans une Fnac. Bah maintenant, il n'y a plus grand chose sur les Champs et Virgin, c'est mort. Donc il reste la Fnac. Ouais, bah je vais aller faire un tour à la Fnac des Champs. Je vais ouvert la nuit. Ouais, je vais aller le choper. Comme ça, histoire d'avoir mon CD moi aussi. Jusqu'à quand, je sais pas. Allez vite. Ils partent en Suisse. Donc Tunisiano, si vous les rencontrez ce soir sur Paris, direction les Champs après l'émission. On sait jamais. Vous pourrez peut-être le croiser. Live maintenant, messieurs, Doku. Avec plaisir. Morceau qui s'appelle Marqué à vie. Marqué à vie, gros. Donc voilà, on va essayer de se faire un petit live. C'est quand vous voulez. Bah c'est parti, gros. Hein. DJ Cypress, mon sauce. Voilà. Dédicace parce que je suis marqué à vie. Qui est à la prison de Mauche et qui m'écoute. Dédicace marqué à tous les par mon époque. Ils sont enfermés. Biggie, Marcus, la famille. Ya. Yeah. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon époque. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je supporte les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Je suis marqué par la vie, marqué par les conflits, marqué par l'époque larguée. Corps meurtri, trop tôt sont partis des potes charclés. Pas de beau roman, les sentiments sont en papier, trop émouvant. C'est jamais le bon moment pour en parler. Pour te écorcher par la vie et les pleurs, j'écris au cœur du bûcher. Dans le jeu de la peine, ils sont tombés. On met le feu à la plaine, continuez. Le prochain pompier sera Le Pen en quarantaine. On erre à ciel ouvert, on trime. Ils ont recouvert la misère comme dans une scène de crime. Décidé à faire mou, j'avance en douce, en planque. Le diable me tente, moumousse me manque. Enfermé, on simule, attendant que le cœur ressuscite. Personne sorte sa cellule avec les clés de la réussite. On s'invite sans préavis, t'es pas ravi. On est high et banni, on est marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon époque. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je supporte les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Marqué à vie. Tenté par le diable, présumé coupable. Ma vie n'est pas rentable, abusé. Et je vais les baiser sans code. parental et trim. Pour que dalle quand dehors c'est la mousson. Tu chiales ta soif d'idéal, un peu comme Alain Souchon. J'avance dans les bouchons, donc pas près de me faire flasher. Le cœur en téflon, y'a qu'en voiture qu'on peut s'attacher. Mon son te concerne, il le fallait. Suicidaire sur un charlet en concert, j'ai découvert à qui je parlais. Dans la compète, sur ma tête que je vais les tordre. J'arrive à vite tempête sur le game. Il pleut des cordes dans la conquête du titre, mais qui pourra me la fermer. Rap avec les tripes, rap comme si c'était le dernier trip. Sur les bocs, tu cliques sur des vieux schnocks, ils nous escroquent. T'as la tripe, ils font du topless dans les clips. Mais fuck, ça en dit long, mais si tu kiffes sur des raclures, choisis un mec à de l'ambition, soit que ça paye pas les factures. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon époque. Je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je supporte les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Tenté par la vie, les braves gens sont opprimés, mis de côté, salis ou sous-estimés. Montrer qu'on est à la hauteur, oui, fier de nos valeurs. Négligé malgré tellement de potentiel. Une pensée pour les potes au ciel. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, yeah, yeah. Marqué par mon époque, je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie, tout comme toi je supporte les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, oui, je suis marqué à vie. Dédicace à Doku, l'enfant yeah. du peuple, il a fait le déplacement. Je tiens à dédier ce morceau à Moumous qui m'écoute. Je sais qu'il est enfermé à cette heure-ci, ainsi que beaucoup d'autres personnes. Il est à la prison de Meaux. Je sais que tu m'écoutes, frérot. Je pense à toi. Et on t'oublie pas, t'inquiète. Donc voilà, on est à l'extérieur et t'en fais pas. Merci à toi, Tunisiano. Merci à Doku aussi pour ce live à l'instant de Marqué à vie. Et puis le morceau qu'on a balancé, on demandait le titre, c'est Elle. Elle est là. Elle est là, pardon. Elle est là. Le morceau qui arrivera courant de l'année 2014. Elle est là, il me semble que c'est une grande chanteuse de variété française. Référence. Elle est là. Morceau de Doku. Et Doku, vous le retrouvez sur l'album de Tunisiano, Marqué à vie. C'est ça. Et il est en train de préparer son projet lui aussi. Donc voilà. L'album Marqué à vie, il est toujours dans les bacs. Hein. Merci pour vos messages. Merci pour le soutien. Et je tenais à le signer, je tenais à le dire. Et puis voilà, maintenant ça y est, le bébé, on l'a accouché. Mm-hmm. Et maintenant, à vous de faire la bague. Ouais. N'oubliez pas d'aller mater le clip de Mout qui a été mis en ligne à 8h. Ouais, gros, c'est gros, à 20h. Ah bah, 20h. Et bah là, pendant les pubs, juste avant de retrouver la radio libre de Difool, allez cliquer. Régalez-vous. Et allez mater Mout. Ouais, allez vous régaler. Vous allez voir le clip, il est arrivé. Laissez-nous vos coms. N'hésitez pas, que ce soit sur Tunisiano, sur Skyrock ou même sur mon Twitter ou sur mon truc, n'hésitez pas quoi. Et juste avant, on fait tourner la roulette, c'est parti. Yeah. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. Salut Ludvine d'Aix-en-Provence. Allô. C'est bien Ludvine, c'est ça? Eh oui, c'est moi. Eh bah bienvenue Ludvine, je te présente Tunisiano, notre invité qui est là toute Salut, la semaine. Salut Ludvine. Salut. Avec Doku, avec Teufa, ils sont tous là. Prêt à faire tourner la roulette Ludvine? Prête. Eh bah c'est parti, dès que tu veux tu dis stop, on y va. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case... Ludvine? Oui. Tu pars Stromae. À Miami. Mais par tes propres moyens. Si, tu pars à Miami. Offert par Teufa. Depuis que tu fais de la télé, tu vas bien filer un truc à Miami. Hein, ouais. Et grâce à qui? Tu viens d'Aix? Ouais. À Miami, ouais. À Center Park. Je voudrais faire une spéciale dédicace à Miami, en Normandie. À tous mes potes de Marseille qui étaient sur Répondeur dernièrement. Ah, très bien. Je voulais vous dire que je peux vous toucher même par la radio. Quel charrière, c'est vrai. Ludwig ne lui en veut pas. Tu as quand même deux places pour aller voir Stromae en concert. Ben merci, la famille. Et bon, fais plein de bisous. Passe une bonne soirée. Vous aussi. Ciao Ludwig, à l'instant. Bien envoyé, Teufa. Tu vas te faire des amis du côté de Marseille. Bah, ouais. Attends, c'est une bonne guerre. Je sais que tu en penses pas à moi. Ouais. C'est vrai que moi aussi j'ai eu du mal à rejoindre mes amis marseillais. Tu vois, il y avait un problème de réseau. Bizarrement, il y a un problème de réseau. Ouais, c'était incroyable, hein. C'était fou. Tous sur messagerie. Tous en même temps. Et puis toujours pas rétabli, hein. Un spécial big up à tous Street Skills. Tout pour vous. Et moi dédicace à tout à Issam, tout ça, tous les gros supporters de l'OM avec qui j'ai regardé le match. Bizarrement, ils m'ont plus parlé après. Bon, merci à vous en tout cas pour ce soir. Ils ont été marqués à vie aussi. Ils ont bien été marqués à vie, ouais. Deux fois. Aller-retour. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Bon, on va pas parler de l'équipe de Rouen dans le foot, hein, si. Non, dire. Ça sert à rien. Franchement, je suis Marseillais, j'assume. C'est pour ça qu'il parlait plus. Je vous ai laissé parler. Allez, là, la différence. C'est bien. Tu vois, il faut toujours garder. Est-ce qu'on peut te rappeler que Rouen, c'est pas une banlieue de Marseille? Non, mais c'est avec le Grand Paris, tu vas voir, ça va pas tarder à changer d'avis. Ouais. Ça, je t'annonce que dans un ou deux ans, c'est plié. Il y a plein de maillots qui se vendent là-bas. Ils cherchent ça. On a un GPS pour toi, donc. Voilà. On t'a senti un peu perdu, mais t'inquiète pas, tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Merci. Si t'as des petites dédicaces pour conclure, vas-y, c'est le moment que j'arrête. Pour conclure, vous pouvez me retrouver. Je vais répéter ce que je vais dire. Vas-y. Sur Facebook, Doku l'enfant du peuple. Sur Twitter, Doku officiel. Instagram, Doku officiel. Une grosse dédicace pour toute ma famille. Et ma soeur Caroline, j'ai vu ta photo s'afficher sur l'écran, machin. On a envoyé la frangine, la photo. Voilà. Bon. Et là, tiens, c'est un frangin, Florian Thauvin, qui t'envoie sa photo. Je supporte. Avec un message, c'est juste la phrase. Il n'y a plus de valeur au PSG. Ok. Bah, par contre, la black card. Il n'y a peut-être plus de valeur, mais on met des buts, nous. Par contre, on cherchait le soir du match, en plus. En tout cas, voilà l'album qui va arriver. Oui, tu as raison, donc on revient sur la tour. Revenons-en à l'essentiel. Exactement. Donc voilà, un album qui va arriver court en 2014. Sur ma route, soyez prêts. Et marqué à vie pour te retrouver dès ce soir si on veut aller acheter l'album. Voilà. Hop, on y va. En tout cas, voilà, je tiens à remercier le frérot qui a fait le déplacement. Il a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Il est en train de préparer son album. Ça s'annonce vraiment lourd. Je le remercie d'avoir posé sur l'album. C'est moi qui te remercie. Ouais, le morceau marqué à vie. D'ailleurs, le clip, il va arriver très prochainement aussi. On l'a clippé il y a peu de temps de ça. Et puis voilà, quoi, on continue de militer. On lâche rien. Donc voilà, moi aussi, je vais en profiter pour faire quelques petites dédicaces. Vas-y, avant à ma famille, avant tout. Je sais qu'ils m'écoutent. Je sais qu'ils me supportent. Que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit ma femme, même ma fille. Et puis voilà, quoi, je tiens à les remercier parce qu'ils me donnent de la force et ainsi que mon équipe. Donc voilà. Et bah merci à toi, Tofa, merci. Tu repasses dans la semaine ou t'es bloqué sur D8? Non, je vais repasser. Je vais passer jeudi, je pense. Très bien. Parce que le reste du temps, je travaille. Le mec est overbooké. Le mec ne fait rien. Bon, on t'attend jeudi avec impatience. Et puis big up à tous ceux qui envoient des messages, tous ceux qui nous soutiennent, tout le 95, le Val d'Oise, Val d'Oise, la Snipe Team, tout ça, quoi. Et bah demain, on se retrouve un petit peu avant 20h. Et là, il est grand temps de rejoindre la Radio Libre et toute l'équipe de Deep Fool qui est là. Qui est déjà là, qui écoutait vos débats footballistiques en rigolant. Deep Fool, t'es avec nous. Samy, peut-être un peu moins. Je suis parti aux toilettes. Moi, je suis Stéphanois, donc je suis de l'autre côté de l'histoire. Arrête. C'est pratique. Et Stéphanois, ils ont morflé aussi un peu. Pas mal. On a perdu à la dernière minute. Oui, ils ont pénalty. Non, mais bon, c'est débattant, j'avoue, c'est débattant. Il reste le même l'OM, big up. Nous, on salue tout le monde. Mais ouais, grave. C'est bien ça. Allez, Sochaux. Ça se termine de la manière œcuménique ce soir. Eh ben, merci à vous en tout cas pour à demain, ce l'équipe, beau plaisir tunisiano. À demain. Salut Doku, salut tout le monde. À plus. Et Fredo, rendez-vous juste avant 20h pour le Planète Rap. Dans un instant, la fouine, la team BS et la team de la Radio Libre qui est là, bien prête avec vous. Et vos messages dès maintenant sont 41759, les applis de Skyrock qui marchent toutes. Et bien sûr, le 01 53 40 30 20, vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous. On arrive tout de suite sur Skyrock. À toutes. À toutes. Ciao.